vient pas de peuple avec qui la France ne puisse régler par des voies pacifiques les divergences d'intérêts qui paraissent les opposer. Je l'ai dit publiquement, je le répète. Oh, mais c'est la guerre, je ne fais rien.